Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Les big data vont nous sauver, tout savoir sur nous et tout prédire. Et ben non, pas forcément. Les big data ne sont peut-être pas aussi puissantes qu'on l'imagine. Nos capacités prédictives demeurent d'ailleurs toujours aussi limitées. Voici un exemple, celui de la croissance. Les prévisions de croissance du gouvernement pour 2011, pour cette année, 1,75, se réaliseront. Avoir fixé 1% de croissance en 2015 paraît réaliste. Et les prévisions sont plutôt bonnes. 3,9%. Oui, c'est la croissance qui rétablira l'emploi. Oh, je deviens croissance. Mais vous savez, il ne faut pas attendre la croissance comme on attend la mousson. Pablo Jensen, vous venez de publier un ouvrage très intéressant qui s'intitule « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation ?» C'est aux éditions du Seuil, vous êtes directeur de recherche au CNRS. La croissance, on se trompe souvent lorsqu'on la prédit. Expliquez-nous pourquoi. Alors la croissance, c'est un exemple classique d'ailleurs d'avant l'ère des mégadonnées ou des big data. Et en fait, on se plante même avec des modèles très sophistiqués. Il y a des dizaines d'économistes, des modèles avec des dizaines de variables, des gros ordinateurs, etc. Parce que c'est un objet évidemment politiquement très sensible. Ça change les prévisions de croissance, ça change le budget, etc. Et pourtant, des économistes d'ailleurs ont montré, en regardant de manière rétrospective, que les prévisions avec des modèles aussi sophistiqués sont aussi bonnes que la prévision d'un modèle beaucoup plus simple qui est la croissance l'année prochaine sera la même que cette année. D'accord. Donc, vous avez beau multiplier les variables, essayer de trouver des corrélations, essayer de faire des choses sophistiquées, vous ne faites pas mieux que demain, c'est comme aujourd'hui, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez court. Enfin, dans le monde social, il y a très peu de prédictions qui font mieux que ça, en fait. Bon, bah alors ça, il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi. Parce que, en fait, si on n'arrive pas à prédire la croissance, c'est parce que les politiques magouillent. Non, c'est pas nécessairement. Dans certains pays, ça arrive aussi, effectivement. Et effectivement, les politiques ont envie d'avoir des prévisions un peu optimistes. Et d'ailleurs, souvent, on remarque qu'il y a un biais dans les prévisions. Elles sont un peu optimistes. Mais c'est pas que ça, même si on essayait de le faire, disons, pour résumer d'un même mot, même avec c'est... des politiques honnêtes, voilà. Ou des économistes incorruptibles. Oui, il y en a quand même. Faut pas non plus exagérer. Eh bien, même avec ça, en fait, c'est un problème trop complexe. Et le problème, c'est alors pourquoi est-ce qu'on s'entête à dire qu'on arrive à le prédire? Dire. En fait, le fond de l'affaire, c'est ça. C'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème très complexe et donc on n'y arrive pas. Donc on peut donner, résumer la raison, c'est on n'a pas une bonne théorie dynamique du social. C'est-à-dire, je viens de la physique. En physique, on a une bonne théorie dynamique qui est, si vous connaissez les forces, vous pouvez calculer, par exemple, ce qu'un objet va faire. D'accord ? Je peux prédire. C'est ça, voilà, une je théorie lance un satellite. Dynamique. Oui, c'est ça. Je lance un satellite. Donc, je connais les forces qu'exercent les planètes et donc je peux prédire la sonde Voyager. On l'a envoyée il y a 30, 40 ans. Mm-hmm. On a prédit à peu près où elle devrait être et on sait très bien mesurer et calculer sa trajectoire. Donc, je connais la dynamique des objets quand je sais calculer les forces, au moins. Et dans la théorie sociale, on n'a pas de bonne théorie dynamique, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui génère le changement et ce qui le provoque et, disons, quelles lois suivent les évolutions. Pourquoi ? Parce que les acteurs sociaux ont quelque chose de différent d'un satellite ou d'une pierre que vous lancez dans l'espace. Ils ont un libre arbitre. Ils peuvent se comporter de manière différente que celle que vous prédisiez, Pablo Jensen ? Alors, on peut trouver plein de raisons. On peut peut-être commencer par deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, par rapport au satellite qui subit l'attraction de quelques planètes, le social est beaucoup plus enchevêtré. D'accord ? La croissance, elle résulte d'une myriade d'actions indépendantes, toutes enchevêtrées. Et donc, si vous voulez, la causalité, ça fuit dans tous les sens. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à canaliser un petit peu par où ça va passer, les causes et les conséquences. Donc, ça fuit dans tous les sens. Et deuxième ingrédient qui est relié à celui-là, si vous voulez, la maxime de Descartes, qu'est-ce qu'on fait, disons, depuis la fondation des sciences modernes, c'est quand on a un phénomène complexe, on le sépare en plusieurs sous-phénomènes, on analyse chacun d'entre eux, qui sont relativement simples. Du coup, on comprend et ensuite, on réassemble le tout et on peut prédire ce qui va se passer quand on combine les différentes choses. Dans le social, le problème, c'est que chaque cause prise séparément n'a pas le même effet lorsque vous les remettez ensemble, d'accord ? Et donc, vous pouvez très bien étudier séparément les causes et les comprendre à peu près. Quand vous mettez tout ça ensemble, la cause d'un des phénomènes séparés, ben, ça dépend du contexte. Je prends un exemple très simple, c'est pareil, quelle est l'augmentation du prix d'un loyer, par exemple, lorsque vous montez d'un étage dans un immeuble. D'accord ? Est-ce que ça monte, ça descend ? Mais en fait, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend s'il y a un ascenseur ou pas. S'il y a un ascenseur, c'est bien de monter puisque vous avez une meilleure vue, etc. S'il n'y a pas d'ascenseur, il y a la pénibilité, donc ça dépend. Et vous avez comme ça plein d'exemples dans le monde social où bah, l'effet d'une cause dépend du contexte. Et donc, comme vous avez énormément de causes qui jouent pour créer un phénomène et que l'effet de chaque cause dépend du contexte. Vous voyez bien que prédire la croissance qui implique, je ne sais pas, 1000, 10 000, 100 000 causes différentes, c'est totalement enchevêtré, c'est totalement impossible. Mais moi, je pensais qu'il existait des cycles en économie. En tout cas, certains économistes en parlent, Kondratiev, ça c'est un cycle long, entre 40 et 60 ans. Alors, il faut bien qu'il y ait des phénomènes prévisibles. Je vous embête, Pablo Jensen. Non. Alors évidemment, les enjeux sont tellement importants qu'on cherche des régularités, on cherche des cycles un peu comme on en a trouvé en astronomie avec les saisons, etc. Et qui d'ailleurs permettent de faire des prévisions aussi de climatique et de météo qui sont aussi en fait un domaine très complexe. Vous voyez, le climat dans 100 ans dépend d'un nombre énorme de facteurs. Alors comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir malgré tout ? Eh bien, c'est parce qu'en physique, vous avez ce qu'on appelle des lois de conservation, c'est-à-dire l'énergie se conserve, ce que nous envoie le soleil comme énergie, bah on sait que ça ne s'évapore pas dans la nature, ça va passer dans les vents, ça va réchauffer l'océan. Et donc, on a une sorte de structure, si vous voulez, de conservation de l'énergie, de la quantité de mouvement, enfin les lois physiques, qui font que cette charpente-là vous évite d'aller vraiment n'importe où dans les prédictions, quoi. Alors que, et on n'a pas l'équivalent dans les systèmes sociaux. Et donc, c'est ça aussi qui fait qu'on se plante complètement. Mais pourtant, vous avez des prédictions qui sont des prédictions fiables. Par exemple, je suis quasiment certain que l'autoroute A6 va être bloquée dans le sens des départs en juillet. Ça veut dire qu'il existe, malgré tout, des régularités observables dans le monde social. Oui, il existe des régularités, effectivement, et on revient, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous savez ça ? Parce que vous l'avez observé dans le passé et parce que, disons, on est formaté socialement, d'accord ? La société va nous formater partiellement et nous standardiser en mettant par exemple les congés au mois d'août, en mettant les congés, etc. Donc vous voyez, ça nous rend en partie prévisible parce que ça canalise nos actions partiellement la société. Pareil avec les horaires, c'est-à-dire on sait que entre midi et deux, la plupart des gens mangent. Il y a des rythmes sociaux comme ça qui sont imposés par la société et du coup ça dompte un peu les humains si vous voulez et c'est un peu ce que fait la physique aussi, c'est-à-dire la physique pour prédire. Elle essaye aussi de dompter les matériaux, de dompter le monde. Et plus le monde est dompté et apprivoisé, si vous voulez, plus il devient prévisible. Et donc, d'une certaine manière, si on veut rendre le social prévisible, eh bien, il faut dompter de plus en plus les humains. Et c'est ce qu'a fait l'État, d'une certaine manière. Si vous regardez sur l'histoire longue, au départ, les hommes, même un monarque comme Louis XIV, qui avait droit de vie et de mort, qui était un monarque absolu, en fait, il connaissait très peu sur son territoire. Il avait un pouvoir relativement limité. Et c'est grâce à la centralisation des États, le fait qu'on a des noms de famille, etc. On a standardisé beaucoup de choses et donc on a rendu le monde social un petit peu plus prévisible qu'avant. Je passe à un phénomène plus complexe que vous étudiez dans votre livre « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation ?» L'exemple classique du suicide chez Durkheim. Le suicide est un phénomène extrêmement complexe. Pourquoi un individu décide-t-il de se tuer ? Et Durkheim nous dit « Il y a des régularités observables, et ce malgré, je ne vais pas faire trop d'humour noir, mais généralement quand on se suicide une seule fois, et ce ne sont donc pas les mêmes personnes qui se suicident plusieurs années de suite. » Alors comment l'expliquez-vous, Pablo Jensen ? Alors c'est un exemple classique qui a donné effectivement naissance à la sociologie, c'est-à-dire aller chercher des régularités, non pas au niveau des individus, dans une nature humaine comme on l'a cherché jusque-là, mais dans des régularités statistiques justement. Et là on retrouve le lien avec l'État d'ailleurs. Statistique, vous entendez le mot État là-dedans, et c'est grâce à l'État centralisateur qui a rassemblé toutes ces données-là qu'on a commencé à avoir des régularités. Alors Première chose, le physicien que je suis est obligé d'observer que c'est pas des vraies régularités au sens moderne, c'est-à-dire Durkheim n'avait pas les outils mathématiques, mais disons en tout cas, c'est beaucoup plus fluctuant que ce qu'on voilà, que ce qu'il avait l'air de dire. Première chose. En fait, le taux de suicide n'est pas stable dans une voilà, société. Voilà, c'est pas si stable que ça en fait. Et l'explication qui suffit, du coup, il ne faut pas chercher de cause spécialement magique. Ce qui suffit, c'est de dire, voilà, les causes de suicide, quelle que soit la personne, mais en fait, sont assez connues et stables, disons, socialement. C'est les faillites, c'est les divorces, c'est la vieillesse, etc. On en a un certain nombre. Et en gros, tant que, disons, l'importance de ces facteurs-là ne va pas changer énormément, eh bien, en fait, on peut dire, voilà, le taux de suicide va rester relativement stable parce que les causes du suicide vont aussi rester relativement stables. En revanche, dès que vous avez une variation, c'est-à-dire vous avez une grosse crise économique, comme il y a eu en Grèce donc, il n'y a pas très longtemps, mais en fait, on a constaté une très forte hausse des suicides. En fait. Donc, ce n'est pas le suicide lui-même qui est stable. Vraiment ? Ah oui, oui. Parce que, oui. Ce que je pourrais vous dire, toujours oui. dans l'optique de vous embêter, Pablo Jensen, c'est que par rapport à une même situation, et par exemple, un divorce, certaines personnes, évidemment, résistent vaillamment un divorce, d'autres non. Là, vous me dites, je ne peux pas prédire ce qu'une personne va faire après le divorce. Mais moi, disons, ce qu'a fait Durkheim, et ça, c'était très bien vu, c'est d'agréger un grand nombre de personnes et dire en moyenne, et c'est la loi des grands nombres, si vous voulez, ça, disons, un certain nombre des fluctuations vont s'en aller. Et donc, quand on met 1000 personnes, eh bien, on va en prendre 10 qui vont se suicider, 900 qui, etc. Et donc, en mélangeant un grand nombre de personnes, on estompe un petit peu les différences individuelles et donc, ça donne une certaine régularité. Mais pas une régularité suffisante pour faire des prédictions vraiment fiables, en fait. Passons maintenant à un autre exemple. Alors celui-ci, il est rendu possible par les big data. Vous allez faire un tweet, je vais en faire un, et on va essayer de prédire le nombre de fois où ce tweet sera retweeté, autrement dit, le nombre de personnes qui décideront de diffuser ce message court à l'intérieur de leur réseau de relations. Ça, c'est possible ou pas ? Alors, donc je pourrais prédire que probablement le vôtre sera plus retweeté que le mien, puisque vous avez sûrement plus de followers, enfin d'abonnés, enfin je n'ai pas vérifié, mais probablement. Mais en tout cas, pour essayer de répondre de manière un peu plus systématique à cette question, une équipe s'est constituée autour de Duncan Watts. Duncan Watts est d'ailleurs un ancien physicien qui est devenu sociologue et qui dirige la recherche à Microsoft. D'accord ? Donc il a de bons moyens, on va dire, en ordinateur et puis en données. Donc il a rassemblé des millions de tweets, il a fait tous les algorithmes les plus sophistiqués. Et avec tout ça, en fait, il n'arrive pas à prédire vraiment la différence, disons, entre deux tweets, lequel va être le plus retweeté. Il parvient à expliquer en gros 20% des différences entre les tweets, ce qui est quand même pas énorme. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Donc, rapidement, on entraîne un algorithme sur, mettons, 50 millions de tweets et on prend 10 millions de tweets différents et on essaye de voir si l'algorithme qu'on avait créé arrive à prédire ça. Mais vous voyez que ces algorithmes sont très forts pour trouver des régularités, c'est-à-dire du style quelqu'un qui a plus d'abonnés, deux fois plus d'abonnés, va avoir trois fois et demi plus de retweets, par exemple, en moyenne. D'accord ? Mais pour que ces algorithmes marchent, il faut que la structure que vous trouvez dans votre base qui sert à entraîner l'algorithme soit représentative du reste des tweets. Donc, dans un monde à peu près stable et reproductible et voilà, et dompté, si vous voulez, eh bien, ces méthodes-là sont très fortes parce qu'elles cherchent des régularités, elles les exploitent pour prédire. Le fait qu'on n'arrive pas à prédire les retweets, ça fait penser que le monde social, en fait, n'est pas stable comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez, une sous-partie du monde n'est pas représentative du tout, et ça, c'est très embêtant. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que pour un objet comme ça, il faut une rationalité différente. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus efficace pour prédire des choses ? C'est pas nécessairement des équations. On a une sorte d'a priori pour dire les maths, c'est très puissant, donc c'est ça la logique et c'est ça qu'il faut utiliser. Ce qui est intéressant, c'est au lieu de prendre une rationalité juste, logique et mathématique, c'est une rationalité écologique, c'est-à-dire qui soit adaptée à l'objet. Quand vous avez un objet stable, les maths, c'est très bien. Quand vous avez un objet qui est beaucoup plus bruité et beaucoup plus changeant, eh bien, nous, les humains, on vit dans un monde comme ça et on a développé d'autres approches qui s'appellent les heuristiques, on pourra en discuter, je vous donnerai des exemples, qui sont beaucoup plus efficaces dans un monde bruité. Juste pour prendre une image, c'est un peu comme, puisqu'on est à quelques jours du début de la Coupe du Monde, c'est un peu la différence entre s'entraîner à tirer des pénaltys et donc être très très fort à tirer des pénaltys et jouer au foot vraiment dans le match. C'est-à-dire, quand vous vous entraînez à tirer des pénaltys, personne ne vous embête, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Et après, dans le monde réel, vous avez évidemment les joueurs qui vous embêtent, qui ne vous laissent pas tirer les pénaltys. Donc les équations, c'est un peu comme tirer des pénaltys. Dans un monde stable, ça marche bien. Dans un monde bruité, en fait, ça ne sert pas à grand-chose et il faut faire autre chose, quoi. Alors ce qui est intéressant, au-delà donc, de notre incapacité à prédire comment un tweet peut être retweeté, Pablo Jensen, c'est le fait que Duncan Watt, qui est effectivement une sommité dans ce domaine, nous donne à penser que les algorithmes auxquels on prête une puissance quasiment magique sont en réalité assez incapables de prédire un certain nombre de choses dans le monde social. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça fait les mégadonnées, les big data, ça fait vraiment beaucoup fantasmer, oui. Mais avec la prédiction des crimes ou des récidives, etc., il y a beaucoup d'algorithmes. On a l'impression que les big data, une fois qu'on a tous ces chiffres, on les donne à manger à la machine et la machine va prédire tout ce qu'on fait dans nos existences. Voilà, c'est ça. Mais on met ça dans une boîte noire et après, il faut croire ce que nous raconte Google ou ce qu'on nous raconte Predpol pour la prédiction des crimes. Et vous voyez bien que les boîtes ont plutôt intérêt à gonfler leurs chiffres, en fait. Et donc, c'est important de se baser, si on veut être un peu objectif et scientifique, se baser sur des études publiées. Donc, comme celle de Duncan Watts, qui à Microsoft, il n'a pas spécialement envie de dire que ça ne marche pas non plus. Mais disons, là, voilà, on a des données, on peut regarder. Et donc, il faut se méfier effectivement de ces chiffres et de tout ça. Disons, ça ne donne que des prédictions relativement triviales du genre de celles qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire si quelqu'un a eu beaucoup de retweets dans le passé, je peux prédire quand même, effectivement, et ça c'est une variable qui marche chez eux, je peux prédire que ces tweets ont plus de chances d'être retweetés. Donc mais c'est toujours demain, c'est comme aujourd'hui, on ne va jamais bien plus loin que ça. Et ce qui, ces algorithmes sont impuissants, comme vous l'expliquez dans Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation publiée aux éditions du Seuil, si ces algorithmes sont très insatisfaisants, Pablo Jensen, parce qu'en fait, ils débouchent, dites-vous, sur des formules qui sont des formules d'une très grande complexité, incompréhensibles pour un être humain. Vous pouvez comprendre les éléments qui composent ça, mais enfin, ça fait pas sens, alors qu'il faudrait aboutir à un algorithme naturel, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est les heuristiques. Donc je reviens juste sur ces algorithmes sophistiqués. En fait, par nature, ils vont chercher des relations, d'accord ? Mais s'il n'y en a pas, ils vont, en gros, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on dit, surajuster les données, c'est-à-dire ils vont en trouver quand même, mais qui seront des artefacts, en fait, de la base de données que vous lui aviez donnée. Donc, dès que vous sortez dans le monde extérieur, ça ne va plus marcher, d'accord ? C'est un peu comme le penalty et le jeu normal. Donc, ils vont multiplier l'âge du capitaine par voilà, le nombre exactement. De poils qu'il y a sur la tête de Mathieu, et, voilà. Et ça va donner un chiffre. Voilà, exactement. Et ce chiffre-là ne sera pas trop mal pour les données qu'on lui aura données à manger, ça, il marche bien quand même, mais ça sera pas extrapolable, ça servira à rien dans la vie réelle. En revanche, deux points importants. Donc d'abord, c'est que ces mégadonnées sont quand même très importantes socialement et politiquement. C'est pas parce qu'elles n'arrivent pas à prédire de manière très, disons, très poussée nos comportements qu'elles n'arrivent pas quand même à nous surveiller, à nous contrôler, à un peu conduire nos comportements parce que, voilà, avec par exemple le score citoyen en Chine, disons, c'est un peu dans la logique de cette chose-là, c'est-à-dire on va être noté par tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, si on est suivi et traqué, même si ce n'est pas pour des prédictions, c'est quand même, les big data, c'est quand même très important socialement. Donc, je ne veux pas leur enlever de l'importance en disant qu'elles ne sont pas capables de prédire des choses au sens de la physique. D'accord ? Le score citoyen, c'est juste pour expliquer à nos auditeurs, Pablo Jensen, c'est quelque chose d'un peu effrayant. C'est une sorte de permis à points qui vous conduit en prison ou en tout cas dans des endroits peu recommandables si il vous manque des points. Voilà, c'est ça. Ou en tout cas, ça vous laisse pas prendre l'avion ou ça vous donne pas droit à un crédit. Ça existe aussi chez nous, en fait. On a quand même des scores aussi sur est-ce qu'on peut prendre un crédit ou pas, suivant si on a eu des découvertes. Mais si vous généralisez ça à tous vos actes, ça devient effectivement 1984. Alors, je reviens quand même sur ma promesse là de ces algorithmes, entre guillemets, très simples qu'on utilise, nous, humains, parce qu'on a été élevés, si vous voulez, dans un monde bruité. Et c'est à moi de vous poser une question. La ville qui a le plus d'habitants, à votre avis, est-ce que c'est Kiev ou Minsk? Comme ça, Kiev. Voilà, et bien vous avez raison. Et alors, comment est-ce que vous avez fait ? Parce qu'on parle plus de Kiev que de Minsk. Voilà, et en fait, ça, c'est un bon exemple d'une bonne heuristique, c'est-à-dire que on a, par notre contact, on est baigné dans le monde social. Le fait de connaître une ville et pas l'autre, c'est un bon indicateur du fait que celle-ci a plus d'habitants. C'est pourtant deux capitales de deux États, etc. Et la différence n'est pas si grande que ça, mais en fait, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. Et on voit que des heuristiques simples comme celle-là sont très adaptées à un monde qui est très changeant, en fait. Et on a montré que comme ça, on arrive à trouver, par exemple, plus facilement quelle est la ville la plus peuplée, quel sera le vainqueur des matchs de foot, mieux que des experts ou mieux que des classements ATP ou des classements comme ça. Et donc, c'est assez intéressant de voir que des approches plus simples sont plus adaptées à l'objet que des algorithmes très sophistiqués. Alors justement, Pablo Jensen, il y a 15 ans, c'est-à-dire 2000 ans, avant qu'il y ait la mode des big data, il y avait une autre mode. On parlait de la sagesse des foules. Il y a eu un best-seller à ce sujet. Et donc, ce best-seller disait en substance, vous prenez 20 quidam, vous leur posez une question pour savoir qui sera élu aux États-Unis. Il n'y a pas de sondage, il n'y a rien. Mais finalement, leur sagesse cumulée, elle va donner un résultat qui va être beaucoup plus proche de la réalité que la sagesse d'experts qui, finalement, ne sont pas forcément compétents pour prédire les choses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, des études, oui, ont été faites. Et effectivement, on n'est pas très loin, en fait. Les experts, ils ont tendance à construire des modèles un peu compliqués, plus ou moins implicites. Et comme ces modèles ne sont pas très bons, hein, comme les algorithmes, si vous voulez, mais en fait, ils ne sont pas meilleurs pour la prédiction que des avis un peu pris de manière aléatoire dans la population qui utilise d'autres types d'algorithmes plus simples, si vous voulez. Dans un monde bruité, en fait, ce n'est pas facile d'aller au-delà du « demain sera comme aujourd'hui ». Et du coup, ces approches-là d'intelligence collective par, disons, par notre connaissance intuitive sont assez intéressantes et je pense que un des rôles importants de ces big data et de la révolution numérique devrait être d'aider en fait à notre intelligence collective, un peu comme le fait Wikipédia, nous aider à nous coordonner et à exploiter nos connaissances respectives plutôt que d'essayer de prédire et de nous fliquer comme le font Google, Facebook et compagnie, quoi. Dernière chose, Pablo Jensen, donc la plupart des algorithmes, ils servent à prédire, alors ils peuvent se tromper, mais il y a des algorithmes où le fait que vous trompiez est quelque chose qui va coûter de l'argent. Je vous donne un exemple, ce qu'on appelle le yield management, qui consiste donc à allouer un prix, par exemple, à des billets d'avion, à un moment où les gens sont censés voyager ou pas voyager, et donc vous allez faire évoluer le prix des billets d'avion. Tout le monde est parfaitement familier avec ce mécanisme, même s'il n'est pas familier avec le nom. Alors ça, par exemple, ça fonctionne ou alors vous pensez que ça ne fonctionne pas ? Alors, à partir du moment où c'est basé sur des régularités du style offre et demande avec les congés, etc., bon, les doigts de l'offre et la demande marchent assez bien, en fait, en économie. Donc, vous pouvez assez bien réguler, mais vous voyez qu'il faut encadrer et canaliser l'action des humains, c'est-à-dire vous les contraignez à prendre ce type d'avion, etc. Et donc, si dans un univers de choix relativement limité, vous arrivez à canaliser pas mal les actions et donc ça peut marcher. Alors je connais pas exactement en détail, mais ça doit pouvoir marcher. Sans entrer dans les détails. Voilà. Donc il y a quand même des algorithmes qui, avec des mécanismes, alors que vous jugez peut-être contraints, pas très sophistiqués, on pourrait parler des assurances, où là aussi, les compagnies d'assurance ne faisant pas toute faillite, elles arrivent quand même à calculer des taux de risque qui sont relativement congruents avec la réalité. Oui, mais ça, c'était une très vieille histoire. C'est le début des statistiques, d'ailleurs. Mais ça, vous voyez que ça repose sur, en gros, la mortalité aujourd'hui va être la même que celle que je constatais hier, en fait. Et aussi parce que c'est basé sur de la biologie, quand même. Vous voyez, la mortalité, en gros, vous pouvez pas faire n'importe quoi au bout d'un certain temps. Malheureusement, on sait comment ça finit. Et donc, il y a de la biologie. Je parle pas que de la mortalité. Vous avez des idées noires, mais ça peut être, par exemple, le vol d'autoradio, des événements qui sont plus mineurs et qui, a priori, sont à la fois indépendants. C'est-à-dire, on peut imaginer une épidémie sociale de vol d'autoradio. Oui, tout à fait. Mais alors, donc, ces régularités-là sociales, c'est un peu comme le suicide dont on discutait tout à l'heure. En gros, donc, on a une certaine régularité qui n'est pas stricte pour pouvoir vraiment faire des prédictions très claires. Mais en gros, ça marche. C'est loi des grands nombres et d'agrégation et de régularité tant qu'il n'y a pas de corrélation entre les gens. Et donc, vous voyez, par exemple, la crise financière en 2008, tous ces modèles de prévision qui étaient basés sur la loi des très grand nombre avaient oublié le petit facteur qui est que justement, quand quelqu'un fait faillite, peut-être que ça induit la faillite de quelqu'un d'autre, les gens sont connectés. Et à ce moment-là, ces avalanches-là, elles, par contre, elles sont complètement au-delà de ce type de petit modèle de régulation des assurances. Et donc, ça marche tant que ça marche, quoi. Merci beaucoup, Pablo Jensen. J'invite vraiment nos auditeurs à lire votre ouvrage « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation ?» C'est publié aux éditions du Seuil. Il y a beaucoup d'exemples très parlants et ça remet vraiment en cause une idée reçue, celle selon laquelle les big data vont nous permettre de prédire avec précision le monde de demain. Superfell a été gâché à la production par Anaïs Isebaer, dévasté à la technique par Jean-Guilain Meige et malmené à la réalisation par Alexandre Fougeron. Superfell.